Ouais, je sais pas avoir plein marché. عندنا سؤال. On a une question. من يرى نفسه غيرك؟ نريد أحد الأندونيسيين. On veut l'un des deux revenants du pays de l'Andalous. L'Andalous, c'est où? Espagne. عندك يا جعفر. طيب الآن عندك شخص يعبد صنما بوذا وآخر يفعل un vœu pour le prophète عليه الصلاة والسلام. تمام؟ lequel des deux est le plus بعيد؟ طيب ماذا؟ يفعل un vœu pour. C'est comme ماذا؟ Oh, bon, on va prendre plus simple. Un vœu pieux. Non, je parle pas de ça. Allez, on va prendre plus simple. Parce que ça peut être mal compris. Allez. Il jure par la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'autre, il dit, le Bouddha là, c'est ma divinité. Lequel des deux est pire? Enfin, lequel des deux. Non, lequel des deux est pire que l'autre? C'est Jafar. Allah alam. Parce que tu n'étais pas là le dernier dars, Aslan. Donc tu es excusable. Ah, ben, on donne ce que tu as. طيب لكن انت الان تحكم لي دو سون ميم نيفو. عندك يا سلام ما حضرت. هيا معذور. طيب ما بقي الا هؤلاء. Ah, Moussa. C'est les deux. C'est les deux, non. Il n'y a pas de plus pire. Les deux, c'est du shirk billahi azza wa jal. Les deux, celui qui les commet, il rentre en enfer éternellement. Et ils sont classés comme des mouchriquins. Non. فلا فرق بين هذا وهذا. Comme. C'est à peu près ce que tu disais. Tu ne voyais pas lequel des deux était le plus pire. Parce qu'il n'y a pas. Les deux, ils sont au même rang. Shirkun, billahi azza wa jal. Donc on continue dans cette qaïda qui est la plus longue. Les qaïda que Cheikh Mohammed il a évoqué à cause des adillah qu'il a ramené. Voyez. Donc on poursuit. قال والدليل قوله تعالى. الدليل على ماذا؟ على القاعدة التي تقول. ماذا تقول القاعدة؟ منهم يعبد الأشجار والأحجار وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إيه نعم نسيت يعبد الشمس والقمر لكن هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il a été suscité à une époque où il y a des certaines personnes adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient les pieux, d'autres adoraient les pierres et les arbres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Donc ils étaient tous d'adoration diverse. Mais le prophète sallam, c'est pas pour autant que il a jugé de jugements différents pour toutes ces catégories. Au contraire, il les a tous combattus marra wahida, tous ensemble. Et il n'a pas fait de division entre eux. C'est-à-dire, il n'a pas dit celui-là il est meilleur que celui-là, celui-là on l'accepte, on le combat pas parce que ceci ou cela. Voilà. Donc là, il va évoquer les adillah sur ce qui vient d'être dit. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Donc le premier verset qu'il a ramené, c'est le verset de sourate Al-Baqarah 193, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative du sens, et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et que la religion soit entièrement vouée pour Allah Azzawajal. قال الشيخ فوزان وقوله والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى وقاتلوهم. Donc le dalil, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de les combattre sans faire de différence. Qatilohum ay qatil al-mushrikin. Les associateurs, sans faire de différence par rapport à leur divinité. Wa hadha 'ammun li kulli mushrikin. Lam yastathni ahadan. Thumma qala hatta la takuna fitnatun. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. La fitna c'est quoi? Ya Harun. Le shirk, jusqu'à ce que disparaisse la fitna, c'est-à-dire jusqu'à ce que disparaisse le shirk. Wal fitna al shirk. Ay la yujad al shirk. Yani combattre jusqu'à ce que disparaisse le shirk. Wa hadha 'ammun ay shirk, sawa'an al shirk fi al awliya wa al salihin aw bil ahjar aw bil ashjar aw bil shams aw bil qamar. Donc ça englobe toute forme de shirk, que ce soit le shirk vis-à-vis des gens pieux, ou le shirk vis-à-vis des alliés, ce qu'on appelle les walis, ou le shirk qui a pour but les pierres ou les arbres, ainsi que le soleil ou la lune. Voilà. Wa yakunu ad-din takuna al-ibada ay takuna al-ibada kulluha lillah laysa fiha shirk. شركة ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم. Donc il y a pas de différence. Il y a pas de différence entre eux, le fait d'adorer des gens pieux ou le fait d'adorer des pierres ou des arbres ou des diables. Il y a pas de différence entre eux. كل ذلك من الشرك بالله عز وجل. طيب الدليل دليل ودليل الشمس والقمر ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر, ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة, لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها. طيب donc là il t'explique au sujet du verset qui dit que selon une traduction approximative, fait partie de ces signes, les signes d'Allah Azzawajal, la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que ça indique qu'il y avait des gens, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa qui se prosternaient devant le soleil et la lune. Et c'est d'ailleurs pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa il a interdit de prier après quelle prière? Après Ba'd al-Asr, wa kadhalik, Ba'd al-Fajr. Jusqu'à ce que le soleil se lève d'une distance de... comment on appelle qui dépasse de l'horizon d'une distance de... d'une lance. Voilà. Et ceci pour ne pas que les gens croient que le soleil mérite d'être adoré. Allahu a'lam. Rubama. Mais c'est qui ces koufars? Là. Ils adorent le. Al-Majus. Al-Majus. Et les Majus, qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient le soleil, le feu. طيب قال فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة أو مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه. Donc le prophète Sassem, il a interdit que l'on prie à ces heures, les heures qu'on a évoquées, c'est-à-dire quand le soleil se lève et quand il se couche. Pourquoi? Parce que même si tu pries pour Allah Azzawajal, il y a une forme de ressemblance à ceux qui prient pour autre qu'Allah Azzawajal. Donc le prophète Sassem, pour couper tout chemin vers le shirk, il a interdit que l'on prie à ces heures-là. طيب والدليل الثالث دليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قوله والدليل الملائكة دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك. Donc ce verset il indique que au temps du prophète il y a bel et bien des gens qui ont adoré qui adoraient les anges ainsi que les prophètes. وعباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. Ça c'est une choubaha. Ça c'est une ambiguïté que ont les gens qui adorent les tombes, comme les soufis. Eux ils disent que celui qui adore un ange ou un prophète ou un homme pieux, lui il n'est pas mécréant. Mais le mécréant c'est celui qui adore une statue. وهذا باطل وهذا باطل قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Donc le dalil qui montre que il est interdit aussi d'adorer les anbiya et que cela fait partie du shirk, la fin de sourate Al-Ma'ida, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interroge Isa en lui disant est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de te prendre toi ainsi que ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Et Isa, il va répondre, Subhanaka, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Donc ça montre bien que le fait d'adorer un prophète, peu importe son rang, que ce soit le prophète Mohammed, ou Amanduna, ou que ce soit le malak Jibril ou man duna, حرام بل يعتبر من أعظم المعاصي وهو الشرك بالله عز وجل. طيب، فقال وهذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام، ففيه رد على من فرق في ذلك من عباد القبور، فهذا فيه الرد فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام. Donc là, dans ce verset, il y a une réfutation à ceux qui prétendent que le shirk, l'association, n'est autre que l'adoration des statues. ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا. Donc chez eux, c'est pas, ils ne voient pas d'une même manière quelqu'un qui adore les gens pieux et quelqu'un qui adore les statues. Et ils réfutent toute personne qui prétend que c'est la même chose. ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالط من وهذا من المغالطات الواضحة من ناحيتين. Donc là, tu vois, le fait qu'ils prétendent que le shirk, ce n'est juste que l'adoration des statues, ça fait partie de leurs erreurs, et ceci de deux points de vue. Le premier, الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. Le premier point de vue, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté toute forme de shirk. Et il a ordonné qu'on doit combattre toutes ces formes. Toutes ces formes. والناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. Et là, le deuxième point de vue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre quelqu'un qui adore une statue et quelqu'un qui adore un ange ou un homme pieux. نعم. طيب. Un dernier dalil, comme ça on termine demain le kitab inchallah. قال والدليل الصالحين قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le dalil qui montre aussi que le fait de prendre les gens pieux comme divinité, ça fait partie du shirk. Il a ramené le dalil de sourate Al-Isra. Le verset qui dit أولئك الذين يدعون, ceux qu'ils adorent, c'est-à-dire ces mouchriquins, ils adorent des personnes. Ces personnes-là, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ, ils recherchent auprès d'Allah son obéissance. الوسيلة هنا بمعنى الطاعة. Ils recherchent son obéissance. أَيُّهُمْ أَقْرَبْ, يعني il recherche son obéissance et il cherche à être le plus proche, à se rapprocher de lui. Et ils espèrent d'Allah Azza wa Jal sa miséricorde. Et ils craignent son châtiment. قال يعني أن هنا طيب الآن si quelqu'un vient et lit le verset, il te dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة, Le mot wasi, là, en arabe, il peut être pris comme étant l'intermédiaire. Allez, ça cadre. Al-wasi, là. En arabe, selon la langue arabe, il peut être pris comme étant l'intermédiaire. Vous voyez? Donc, on pourrait comprendre Oulaïka alladhina yad'ouna ila rabbihim al-wasila. Ils recherchent auprès de leur Seigneur, ou ils recherchent un intermédiaire entre eux et leur Seigneur. Est-ce que c'est un tafsir? Est-ce que c'est un tafsir sahih? الوسيلة هنا الطاعة وهذا المعنى الشرعي والمعنى الثاني بمعنى الوسيطة هذا المعنى اللغوي فإذا اختلف في الكتاب والسنة si il y a une divergence dans le Coran ou dans la Sunna entre deux entre un mot qui a un sens linguistique et qui a un sens religieux. Le sens religieux il diverge du sens linguistique. On avance lequel? عندك يا اسماعيل الشرعي comme on l'a vu dans quel livre? Sourate Tafsir. نعم. Si les deux sens divergent, le sens linguistique et le sens religieux, alors on avance le sens on fait prédominer le sens religieux. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le Coran et la Sunna pour expliquer la religion, pas pour expliquer la langue arabe. Ça veut dire que le premier, on va prendre la première compréhension qu'on va avoir, c'est la compréhension religieuse. Bon, il va évoquer pourquoi le verset il est descendu. آخر par l'intermédiaire de l'adoration, نعم. On pourrait aussi le prendre de ce côté-là, ou par l'intermédiaire de ceux qui transmettent la religion d'Allah, qui sont des wasa'at shar'iyya. Qui sont des intermédiaires légiférés. Comme le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est un intermédiaire entre Allah azza wa jal et sa créature. À la kulli hal, ça on va le laisser pour demain en vérité. Comme ça on pourra essayer d'évoquer certaines. Ouais, et Inch'Allah, si on peut terminer demain le livre. Il reste pas grand chose. إن شاء الله جمعنا وتعملنا اليوم إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Alors Gerbert, tu nous racontes un peu tes vacances là.